Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 228, spécial film avec des poursuites en voiture. Et pour ce Cinéphage, je serai accompagné de Yann. Bonjour Yann. Eh ben bonjour Alain, bonjour à tous. Donc avec lui, nous allons évoquer ses goûts cinématographiques et surtout la filmographie autour du thème du jour, donc les poursuites en voiture au cinéma. Bonjour Yann, alors quelle est ta profession? Bon, on peut te présenter aussi en dehors, tu es un ancien de Radioactive et puis toujours un néo-bénévole, on pourrait dire. Ouais, j'ai fait de la radio et actuellement on peut faire un petit peu de pub. Vas-y. Je travaille donc pour la communauté de communes du Val d'Amboise dans ce qu'on appelle un Fab Lab, donc ça s'appelle le Pépite Lab. Donc c'est un lieu, je suis animateur numérique ou médiateur numérique, hein, ça évolue, le nom évolue selon les époques, mais en gros je propose aux personnes qui viennent, donc c'est ouvert à tous et c'est gratuit, de continuer ou de commencer leur parcours numérique. Donc aussi bien, ça peut être de l'initiation sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, ou ça peut aller beaucoup plus loin puisque j'ai des machines à commande numérique, imprimantes 3D, découpeuses vinyle, voilà, toutes ces machines-là, donc avec des ateliers pour découvrir et même ça peut être du logiciel, hein, mais découvrir, approfondir leurs connaissances, et donc tout à chacun peut venir, ça se passe au 22 Place Richelieu à Amboise. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un petit détour par le Pépite Lab. Donc voilà. T'es vraiment dans la technique actuelle, quoi. Tu es une passerelle pour toutes les générations, en fait. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait c'est un métier dont tu t'ennuies pas puisque ça évolue en permanence. Puis un peu couteau suisse, parce que là, aussi bien donc, l'imprimante 3D, oui. le téléphone, l'ordinateur. Ouais. Donc, tu touches un petit peu à tout, ce qui permet aussi de voir évoluer les techniques, mais aussi de les partager, ce qui est important, parce que c'est le savoir n'est bon que s'il est partagé. Exactement. Et puis tu parlais de ma passion aussi pour la radio. Forcément, à côté de ça, j'essaye de proposer aussi des ateliers dans ces domaines-là, l'audio, vidéo, montage vidéo, voilà, de l'approche de la radio, ça m'est déjà arrivé aussi, donc voilà, j'essaie de partager aussi ces compétences-là. Alors, petite question, en dehors de cette appétence pour tout ce qui est technologie, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie ? Ah bah, alors là, vous l'avez compris, la radio. ça a été donc une passion, puis un métier, puis de nouveau une passion. Donc ça, je ne lâche rien là-dessus. Ouais, nouvelle technologie, bien évidemment, je suis un petit peu ce qui se fait, même en dehors de mon métier, ça me plaît. J'aime aussi tout ce qui est créativité au sens large. Alors aussi bien dans le bricolage, alors en ce moment je suis en train de retaper une maison que j'ai achetée, donc il y a beaucoup de choses à apprendre et j'aime bien découvrir des nouvelles choses, comment je vais faire les choses aussi pour que ça soit technique, et puis même en termes d'innovation, qu'est-ce que je pourrais inventer pour que gagner un petit peu en praticité ou en écologie ou en récupération, etc. Tout ça, c'est je trouve ça plutôt sympa. Et puis oui, créativité en règle générale, j'aime bien le dessin, j'aime bien même en bricolage, hein. Si je peux inventer quelque chose bien à moi, je le fais. Ouais. Puis on peut te dire un grand merci aussi parce que tu nous donnes un gros coup de main pour la création de notre nouveau site sur Radioactive. Site internet de Radioactive qui devrait pas tarder à être en ligne. Oui, oui, on suit le dossier. Et voilà, ouais, parce qu'on a eu un petit problème de piratage et donc tu es reparti à zéro pour nous faire un bel outil. Et donc, soyez patients les auditeurs. C'est le petit teasing. Ça. Voilà, ça sera notre petit cadeau de l'année 2025. Et on remercie encore Yann pour sa participation. Je t'en prie. Alors, là, on va passer carrément à notre thème du jour, enfin, à le cinéma. Ouais. Alors, quel est ton premier souvenir de cinéma ? Alors, déjà, je rigole parce que tu m'as invité dans cette émission et je suis très content d'être là. Merci, Alain. Alors, le domaine du cinéma, le domaine du film en règle générale, c'est un domaine dans lequel, globalement, je suis très éloigné, puisque je regarde très peu de films ou séries en règle générale. Donc, quand tu m'as envoyé le petit briefing sur l'émission, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais répondre à toutes tes questions ? J'ai quand même réussi, je pense, à trouver des réponses. Tu me diras ce que t'en penses. Premier souvenir de cinéma, alors j'imagine que j'y suis allé avant. Moi, j'ai le souvenir d'un film qui s'appelait Les ailes du courage, qui est sorti en 95 et que j'ai été voir à la Géode à Paris. Donc la Géode, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, voilà, on est dans, c'est une sorte de bulle, hein, où on a l'image qui est au-dessus, sur les côtés, un peu de partout. Film assez poignant, hein, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, et il y avait ma petite sœur à côté, et donc ma mère a dû sortir avec ma petite sœur parce que malheureusement c'était un petit peu trop poignant pour elle, hein. Elle devait avoir 5 ans, donc forcément c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai ce souvenir là. Voilà, après les premiers cinémas, j'ai pas ça m'a pas marqué. Peut-être des Walt Disney ou des choses comme ouais, ça. Ouais, certainement, je me rappelle de La Belle et la Bête, mais je sais pas si c'était avant ou après ça, je voilà. Mais Les Ailes du Courage, moi j'avais l'occasion de le voir, il était passé au Futuroscope. Oui. Aussi, c'est ah bah là. Oui, avec le même genre de technologie. Voilà, même genre de technologie, et c'est vrai que c'était assez déroutant, hein. Mais c'est une bonne approche du ciné. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une technique différente. Si maintenant je te demandais ton format de cinéma, est-ce que tu serais plutôt 3D, traditionnel, noir et blanc, VO, numérique, est-ce qu'il y a... Je vais te dire numérique pour la simple et bonne raison qu'on peut tout faire avec le numérique. Tu peux aussi bien le traduire après en noir et blanc ou avec un côté un peu style années 70, 80, etc. avec les différents filtres. Donc forcément, il y a beaucoup plus de possibilités en post-prod qu'avec une technique traditionnelle, mais qui peut avoir son charme aussi, j'imagine, derrière la caméra, de tourner avec, ouais, une caméra des années 70, ça peut être sympa aussi. Mais j'ai forcément, moi aussi, de ma génération, j'ai plus testé avec le numérique. Et les souvenirs de l'analogique, c'est plus, ouais, mon grand-père qui avait le caméscope avec la cassette, mais du coup... Ou alors les vieux films que tu vois à la télé, par exemple. Ou les vieux films, mais c'est vrai que, ouais, en Homemade, c'était le spectacle d'école qui dure 2 heures et t'as tous les... t'as vraiment l'entièreté du spectacle. Et bon, bah, des fois, regarder, c'est pas forcément hyper passionnant à chaque fois, quoi. Oui, et puis en plus, bah, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des réalisateurs modernes, je pense à Quentin Tarantino, qui s'amuse à faire avec, je pense, c'est au Boulevard de la Mort ou des films comme ça, où t'as la bande qui crépite. C'est excellent. Comme tu dis, maintenant, on peut utiliser des techniques numériques pour faire vieux films. Exactement. Et c'est assez sympa comme système. Alors, vaste question, que représentent les films cinéma en général pour toi ? Pour moi, le cinéma, c'est de l'art. Donc, c'est un espace de créativité. Voilà. Alors, c'est marrant parce que j'en parlais à Vincent hors antenne cette semaine et on parlait de l'émission et je disais, ça me fait penser à la chanson, tu sais, de Noir Désir, l'homme pressé qui dit j'ai pas le temps de les regarder mais c'est moi qui l'ai fait. Et je suis un peu dans cette idée-là. Je m'accorde très peu de temps globalement dans ma vie pour regarder un film, ou alors ça va être en 3 fois, tu vois. Mais par contre, j'aime bien être de l'autre côté aussi et bon, forcément avec les techniques modernes, avec l'arrivée d'Internet, de YouTube et compagnie, on a beaucoup plus la possibilité, même sans avoir des gros moyens, de faire de la vidéo. Et c'est vrai que quand j'ai un peu de temps, ouais, de faire du montage, de filmer des choses, etc., ça m'éclate, quoi. Oui, donc ça... Ouais, donc pour moi, je vois plus comme... Côté technique. Technique. Réalisation technique, quoi. Ouais, mettre en œuvre, si tu veux, un projet ou il réaliser, mais en étant aussi bien, ouais, du côté technique, du côté réalisation, montage, etc., plutôt que simplement, non, de regarder quelque chose. Voilà. Oui, tu avais fait des petits films, d'ailleurs, sur la page Facebook, j'avais vu sur Indestar. Ah, bah on a fait, ouais, on a fait plein de choses, on s'est amusé, ouais. Donc, tu vois, tu as quand même une relation au cinéma qui est... C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu te posais des questions, mais oui, mais non, comme dit à l'autre. Pas forcément que en tant que spectateur, quoi, pour le coup. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant aussi, hein, de toucher un petit peu, de ne pas être, disons, passif, prendre la chose, mais aussi de créer, c'est intéressant aussi. Alors là... Quels sont ton ou tes 3 films préférés et pourquoi ? Alors, je t'en ai sélectionné effectivement 3. J'avais, alors, iRobot de Will Smith, que j'aime bien d'ailleurs, hein, Will Smith. C'est un film donc, qui est sorti en 2004, donc ça fait, voilà, ça fait plus de 20 ans, avec un scénario qui n'est pas hyper original, dans le sens où voilà, les robots prennent le contrôle du monde, etc. Mais c'est vrai que si on le regarde en 2025, ça peut être un peu flippant, mais on a quand même une bonne vision de ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation, le fait que, je ne sais pas, Elon Musk veut un robot pour chaque foyer, et ils font pareil en Chine, voilà. Donc... Ça fait peur un peu, c'est l'anticipation. Ouais, on se dit c'était peut-être un peu trop réel, quoi. Et puis alors, pour le fun fact, il y a quand même la voiture de Will Smith, qui a un concept Audi qui avait été fait réaliser pour ce film-là spécialement, qui est sympa pour les amateurs de bagnoles. Il est plutôt cool. Et puis tu avais dans la même série en ce moment, parce que l'IA est vraiment à la mode, c'est The Creator. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, The Creator, je l'ai pas vu. J'avais vu Intelligence Artificielle, mais j'avais pas. Et The Creator, je l'ai vu récemment. On en a parlé d'ailleurs dans mes coups de cœur. Ouais. Et si, sur le thème justement, bah, c'était un peu, bon, on avait déjà commencé avec les Terminators, hein. C'était un petit peu ça. Et c'est un petit peu un mix de ce que tu viens de dire. Donc c'est assez sympathique. Et ensuite, tu nous proposerais quoi comme film? Alors, il y aura les Blues Brothers, mais je pense qu'on va en reparler. Ouais. Par contre, pour terminer, un choix qui est pas forcément hyper original, mais je sais que c'est la comédie française préférée des Français, a priori, qui est ressortie l'année dernière en 4K, c'est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà, avec Alain Chabat, qui est le meilleur des Astérix. Voilà. Et tu vois, je suis pas très dessin animé, mais je pense que je vais me laisser convaincre par le dessin animé de Chabat qui va sortir sur Netflix normalement cette année. Oui, en série, je crois. En série, ouais. Je pense que je vais le regarder. Et puis, oui, parce que aussi Chabat, c'est alors c'est pas le seul, mais je suis de la génération, j'ai grandi dans les années 90-2000, donc en fait tout ce qui est humour un peu jeu de mots à la con, tu vois, avec que ça soit Chabat ou Gad Elmaleh ou KDO ou compagnie, forcément ça me parle, donc voilà. Au niveau des acteurs, est-ce que t'as un acteur que tu aimes bien? Oui, je vais te dire De Funès, hein, ma biche. sinon, enfin, plus récemment, là, on parlait de Will Smith. Ouais, je dirais les deux, c'est-à-dire qu'en fait, De Funès, pour ce côté vraiment un petit peu exagéré, le français moyen, et puis toujours un peu dans le même rôle, tu sais. Tout excité, etc. J'aime bien ça. Et puis, on va dire, ouais, Will Smith pour l'interprétation, justement, de savoir interpréter différents rôles dans. Oui, parce que Will Smith. Autant De Funès a joué beaucoup dans la comédie, il faut dire. Bon, même s'il a fait des petits rôles de salopard ou de méchant dans certains. Il a toujours ce côté un petit peu. Cynique, quoi. Ouais. C'est un petit peu manipulateur, on pourrait dire. Mais c'est le gentil. Des fois, en fait, il en est même ridicule à force de jouer le méchant, mais c'est le méchant ridicule, quoi. Donc c'est assez rigolo. Au niveau des actrices, est-ce que tu as une actrice ou des actrices que tu aimes bien? Alors, en fait, tu vois, je vais voir un film, je vais me dire, ah tiens, cette actrice, elle t'est sympa ou elle t'est mignonne. Je peux facilement tomber amoureux d'une actrice. Un film, mais alors, étant pas du tout physionomiste, alors déjà, je vais pas forcément retenir son prénom. Et si elle est présente dans un film avec habillée différemment, avec une coupe de cheveux différente, je vais pas du tout la reconnaître. Donc, je ne pourrais pas te citer de nom comme ça. Donc, c'est à l'instant T. C'est à l'instant T, tu vois, dans le rôle qu'elle a dans le film. Et je pense que ça joue pas mal, tu vois. Si elle a un rôle qui est sympa dans le film, je vais pouvoir l'apprécier. Après, si c'est un autre rôle où elle devient la méchante, je sais pas plus du tout, quoi. Au niveau des musiques de film, est-ce que tu as une musique de film que tu aimes bien entendre ou réécouter de temps en temps? Alors, je sais que y a beaucoup de personnes de mon entourage que quand ils vont écouter une musique à la radio ou l'entendre, ça va leur rappeler une scène de cinéma. Moi, n'étant pas cinéphile de base, effectivement, il y a peu de musiques qui vont me rappeler un film, mais plutôt la musique va me rappeler un souvenir. Souvent, c'est ça, en plus. On entend une musique, et à ce moment-là, quand j'écoutais ça, j'avais tel âge. J'étais à tel endroit. Bien sûr, ouais. Donc j'ai beaucoup plus ça. Après, je dirais que tu vois, tu prends Rocky par exemple. C'est quoi Eye of the Tiger là par exemple, ou la musique de Bodyguard, là, I Will Always Love You. Tout ça. C'est des musiques qui vont totalement dans l'univers du film et qui agrémentent la scène. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Tu vois, si ça peut renforcer scène. En fait, ça fait vraiment une partie du film. C'est vraiment un morceau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des compositeurs de films, des mecs qui font que ça et qui sont des excellents musiciens d'autre part et qui, voilà, ils donnent une patte. L'exemple typique, c'est Ennio Morricone et Sergio Leone. C'est comme Laurel et Hardy, quoi. On peut pas les séparer. Eh bien, petite transition tout à fait bienvenue, puisque on va commencer par une première pause musicale et ça sera celle de Bullitt, le main title. Donc Bullitt qui est sur le thème des poursuites automobiles. C'est vraiment le film qui a un peu mis en exergue les poursuites automobiles. Eh bien, toujours avec Yann pour ce spécial film avec des poursuites de voitures au cinéma. Alors, Yann, quel est ton genre ou tes genres de films préférés et pourquoi ? Je vais te dire sans grande conviction, mais la comédie en règle générale. Alors ça peut être de la comédie romantique, allez allons-y, mais alors plutôt américaine pour le coup. Enfin, je trouve qu'ils sont meilleurs là-dedans. Un peu à la Bridget Jones ou des ouais, trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je les trouve meilleurs sur la comédie romantique que sur de la comédie pure, où souvent au bout d'un quart d'heure je zappe parce que je les trouve lourds. Voilà, bon, à des exceptions près évidemment. Donc ouais, comédie en règle générale. Des fois il peut y avoir un peu de science-fiction je parlais oui tout à l'heure de science-fiction plus technique, quoi, c'est-à-dire ouais. sur les nouvelles technologies ou des oui. choses comme ça. Et puis quand ça reste dans l'univers du réel, enfin tu vois de la projection. C'est-à-dire oui, c'est plutôt de un peu à la Jules Verne qui était un petit peu oui. l'anticipation, voilà. Voilà, d'anticipation. Pas trop tu vois Star Wars ou des ouais, ça tu sais que je l'ai même pas vu. Hein. J'en ai vu aucun Star Wars. Voilà, là on va prier dessus. Mais Force soit pas avec toi. Ouais, voilà, c'est pas avec moi du tout la Force là, pour le coup. Mais non ouais, j'ai du mal avec les univers, tu vois, un peu fantastiques ou ouais, fantasy en général quoi. Ouais, exactement. Ouais. Non, ça, j'ai plus de mal avec ça. Et par contre, quel genre de film t'aimes un peu ou pas du tout ? Alors, justement, ouais, le fantastique et puis les films de guerre. Tu vois, autant un film qui soit un peu rétro, tu vois, genre des années 70, 80, enfin dans cet univers-là, j'aime bien et puis ça me parle un peu, voilà. Autant le film de guerre où il y a des grandes batailles et qui va se passer en 1825, etc., ça m'embête. Voilà, ouais, j'accroche pas du tout. Non. Ouais, tu veux bien de l'historique, mais pas trop. Plutôt historique, mais pas récent, quoi. Pas des grosses batailles comme Stalingrad ou des choses comme ça. Ouais, et puis tu vois, dans un film de. En plus, souvent, ce sont des films longs. Un film de 2h30 où tu as 1h30 de bataille, de combat, de dire ouais, c'est pour la patrie, c'est pour machin. Oh là là, non. Ah bah la guerre. Ouais, bah, je ne suis pas pour la guerre. J'ai dit que j'aimais les comédies romantiques, alors attention, je ne suis pas pour la guerre. Voilà. Alors maintenant, si je te demandais un film qui t'a marqué en bien ou en mal, mais que tu te souviendras toujours. Alors, j'ai l'effet papillon qui m'a marqué. Alors en bien ou en mal, je ne sais pas, parce qu'effectivement, j'en ai pas dormi de la nuit. Voilà, j'ai pas vu forcément toutes les fins, parce que je sais qu'il y a, ouais, il y a plusieurs fins dans l'effet papillon. Bon, sinon, forcément, on va reparler des Blues Brothers, mais j'ai dû le voir 25 fois, donc ça m'a forcément marqué. Et puis au cinéma, je me rappelle de Taxi 2 quand il est sorti, parce que c'était à Amboise, et c'était le tout début du cinéma A, le ciné A d'Amboise. Oui, le cinéma d'Amboise. Et j'étais à l'avant-première, et c'était la bousculade, même les vitrines ont sauté. monter parce qu'il y avait tellement de monde et ça poussait. Comble. Ça poussait, exactement. Donc, j'ai ce souvenir-là, tu vois, de cinéma pour aller voir Taxi 2 et bon, qui a fait partie effectivement de mes films préférés aussi parce que c'est un film de poursuite de bagnole et il y a tous les ingrédients qu'il faut, quoi. Ouais, ouais, parce que bon, il faut dire que Amboise a la chance d'avoir un cinéma multiplex. Mm. Bon, on a été invité à quelques avant-premières. On n'a pas eu jusqu'à présent beaucoup de relations. Bon, après, comme je disais, ça s'est passé avant. Mais bon, faut que ça change. Au contraire, faut pas hésiter, hein, au ciné, petit appel au cinéma. Mm-mm. Si vous voulez être invité de Cinéphage, ben ça sera avec plaisir, hein, j'avais eu l'occasion de m'y rendre justement avec Marlène, notre chef d'antenne, pour voir le film sur Léonard de Vinci, donc c'était très sympa, on avait été invité. Donc bah faut pas hésiter, hein, petit l'appel qui fait pas de mal. Si le directeur nous écoute, ben ça sera avec plaisir qu'on le recevra dans nos studios. Pour qu'il nous parle du cinéma à Amboise. Et maintenant, si je te demandais le dernier film que tu as vu au ciné. Et c'est là que les directeurs du cinéma d'Amboise ont dit « il n'est pas client souvent » parce que c'était chez eux que j'ai été voir mon dernier film au cinéma et c'était le premier Harry Potter. Alors attention, quand il a été rediffusé quand même. Mais je crois que c'était en 2019. Et ils refaisaient un petit peu à un moment, ils ont ressorti... Ils avaient ressorti les premiers. Alors moi, pareil, hein, comme les Star Wars, j'avais jamais été voir Harry Potter parce que c'était un univers qui me parlait pas. Donc j'avais pas spécialement envie de le voir et puis il y a une amie qui un jour me dit ouais, allez on va aller voir Harry Potter, ça ressortait, faut absolument que tu le vois, bon donc on a été le voir, le bon camarade, j'ai pas fait mon difficile, j'ai été voir Harry Potter, comme ça je me suis dit bon bah je l'ai vu, après est-ce que j'en garde un souvenir mémorable, non. Et donc depuis le 2019 je crois que je suis pas retourné au cinéma. Voilà, bah j'espère que l'émission te donnera peut-être l'envie. Oui. Surtout avec les quiz vu pas vu derrière, ça va peut-être te donner envie de c'est donc jamais, ouais. Alors maintenant, imaginons, tu es avec une bande de potes et tu décides de leur faire la petite surprise, bien la soirée cinéma spéciale Yann. Oh. Quels sont les trois films que tu aimerais leur présenter et pour leur faire découvrir ou redécouvrir? Ouais. Sachant que bon, c'est pas forcément des films qui sont au cinéma, on est d'accord? Non, là c'est la soirée Yann, alors ça peut être des vieux films, des films récents, des noirs et blancs, ce que tu veux là. Alors, c'est ta soirée. Tu vois, je te parlais de Louis de Funès, bon, il y en a énormément que j'aime bien, mais par exemple dans la série Les Gendarmes, mon préf de préf c'est Le Gendarme se marie. Voilà. Oh ma biche. Voilà tout ça. Donc, allez, un petit, un petit gendarme se marie, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ouais, Taxi. Alors le 1 ou le 2, hein, attention, n'allez pas voir les autres parce que ça, plus ça va, moins ça va. Mais Taxi 1 ou 2, ça peut être sympa. Ou alors si on veut être encore un peu plus bourrin, hein, Fast and Furious, tu vois. Et puis alors, attends, prenons un troisième genre un peu différent. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Je sais pas, un film américain. Tu peux nous donner celui que tu as vu 25 fois. Ouais, Les Blues Brothers. Pour les gens qui Oui, celui qu'il a pas vu, faut le voir. Et en plus, pour terminer la soirée, c'est le genre de truc qui... C'est un feel-good movie, comme on dit maintenant, c'est à la mode. Ouais. Et c'est vraiment, une bande originale dément, des poursuites de la folie, les acteurs, un casting super. Et il est génial. Et puis, moi, ça m'est arrivé de le faire découvrir à ma nièce. Hein, elle avait jamais vu. Et puis un jour, c'était à Toxigny, hein, je me souviens toujours, cinéma plein air. Je dis, tu connais pas? Eh ben, elle est sortie enchantée parce que c'est un film qui parle à toutes les générations, ouais. qui puis bouge. On aime la musique, on va être servi. Bon, on aime les courses de voitures. Si vous êtes là, peut-être que c'est le cas. Du coup, on va être servi, plus que servi. Puis l'humour. Et puis l'humour, non. Puis des situations. Enfin, on vous déflore pas le film, mais à voir. Ah, j'avais envie de le faire un petit peu après parce que vu qu'il est sorti en 80, je me dis, allez. Mais bon. Eh bien maintenant, je te propose de passer au portrait cinémois. Si tu étais un film. Ouais. Si j'étais un film qui termine bien. Alors, bon, il y en a pas mal, hein, des films qui terminent bien, mais prenons Sauver Willy, par exemple, tu vois, parce qu'en plus, je fais le parallèle avec, avec l'actu et Maryland, là, qui a été fermé. Ouais, il faut un film où il y a une belle fin, ouais. Donc, Sauver Willy, ouais. Ok. Si tu étais un acteur, quel acteur t'aimerais être ? Acteur ou actrice, hein ? Ouais, je vais dire le mec de Mr Bean, là, Rowan... Rowan Atkinson. Atkinson. Ah, là, qu'est-ce qu'il est bon, oui. Ce... Bah, parce que, bon, un peu dans la même veine que Louis de Funès, mais le fait de pouvoir faire rire sans même ouvrir la bouche, j'aimerais tant, tu vois. Ouais, c'est vraiment le mime, c'est ça descend du mime. Ouais, c'est exactement, un peu comme les films muets, voilà. Ouais, voilà. C'est ça. Et en plus... Pour l'anecdote, il conduit au quotidien une McLaren F1. Et c'est donc... une tronche. Ce mec-là est une tronche. Ah bah il oui. a un QI ah oui, et vraiment puis il a impressionnant. Des études impressionnantes aussi, un parcours impressionnant. Ouais. Ouais, comme quoi, comme on dit, avec son petit air con derrière. Ah, mais j'aime bien ouais, le mec qui est sérieux, qui se prend pas au sérieux, tu vois. Et puis ses parodies de James Bond. English. Ouais, comment il s'appelle ? John English. Johnny English, ouais, c'est ah, ça. C'est excellent. Puis même les vacances de Mr Bean, enfin, ce qui est ouais. son personnage. Puis en plus, Rowan Atkinson, c'est quelqu'un qui est depuis très longtemps. Il a fait Blackadder, qui est une série qui se passait au Moyen-Âge, où il jouait un espèce de fourbe. Ce mec-là, et on peut le voir, bah, on parlait tout à l'heure des comédies romantiques. Dans De mariage à un enterrement, on peut le voir. Enfin, il a plein de petits rôles dans les comédies. Mais tu le remarques tout le temps. Voilà. Il arrive, tu vois. Ce côté gaffeur avec son air. Un petit peu coucouille, donc c'est excellent. Et maintenant, si tu étais un personnage de film, qu'est-ce que tu aimerais être ? Ouais, je dirais Eric ou Ramsey, tu vois, dans La Tour Montparnasse Infernale, dans le côté, en fait, situation d'urgence, situation grave dans un monde réel et pas toujours cool. Et en fait, leur ignorance fait qu'ils s'en sortent et ils prennent ça comme, entre guillemets, un jeu, tu vois. Ils sont pas dans la réalité. Ils sont pas dans la réalité et du coup, c'est ça qui déstabilise l'adversaire et qui fait qu'ils s'en sortent en héros. Et du coup, ouais, ce côté de vivre une situation sans même en avoir conscience et le vivre comme un... Ouais, ils avaient des objectifs qui n'étaient pas les mêmes que voilà, ceux qui étaient à l'intérieur de l'immeuble. Je trouve ça cool. Ouais, enfin, je trouve ça drôle. Après, le film, il est à voir au second degré, hein, parce que... Bah, voilà. C'est leur spécialité, d'ailleurs. Exactement. Eric et Ramsey, oui. Tout à fait. Eh bien, maintenant, je te propose de continuer par la bande originale d'un film qu'on a cité tout à l'heure, hein, pour ta grande soirée. Eh bien, c'est un film qui s'appelle Taxi, oh, surprise. Et la musique, bah, c'est Misery Lou, le thème de Taxi, mais qu'on avait pu aussi entendre dans Pulp Fiction, la fameuse... Oui, c'est vrai. Et donc, on retrouve ce thème et on l'a redécouvert avec Taxi et c'était super bien exploité. We'll be right back. Eh bien, maintenant, nous allons passer au coup de cœur. Alors tout d'abord, le coup de cœur vidéo. Eh bien, mon coup de cœur vidéo, c'est Citoyen d'honneur, un film que j'ai vu récemment, un film français réalisé par Mohamed Hamidi et qui est sorti en 2022, donc film assez récent. Il est sorti le midi ou le soir ? Pardon, j'ai dit que j'aimais les jeux de mots pourris. On n'est pas Eric M. Ramsey, hein. Ensuite, c'est l'histoire de Samir Amin, qui est un écrivain comblé, qui a reçu le prix Nobel de littérature, un bon parisien français, loin de son pays natal, qui est l'Algérie. Et il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites pour les différentes occasions, enfin de se montrer, jusqu'au jour où il va décider d'accepter d'être fait citoyen d'honneur de la ville de Sidi Mimoun, une petite ville en Algérie, où il est né. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville qui, en fait, ils sont devenus d'année en année les personnages de ces différents romans ? Okay. Donc le personnage est joué par Kad Merad, dans une comédie, on pourrait dire, dramatique par moment, un cheptel d'acteurs vraiment intéressants derrière, qui jouent des rôles plus ou moins importants. On a par exemple Jamel Debbouze qui joue un gardien de cimetière, qui est assez marrant. Et en fait, ça a été tourné au Maroc, parce que bon... Étant donné qu'on critique un petit peu le régime algérien dans son côté un petit peu dictatorial, et ben c'est retourner dans un pays où on est né, mais on est avec les différents codes, ce qui arrive à beaucoup de citoyens français qui ont des origines étrangères et puis qui, à un moment, ont le cul entre deux chaises, on peut le dire. Et là, on montre bien que aussi les manipulations politiques, comment on utilise par exemple un prix Nobel pour cautionner un État ou se servir des gens. Et donc moi j'ai trouvé ce film assez fin. Je crois avoir vu la bande-annonce, partie de la bande-annonce. Pas énormément de pubs, mais on connaît surtout Kad Merad pour ses comédies, disons, avec Danny Boone et compagnie. Là je l'ai bien aimé, parce qu'on rit beaucoup. Mais on rit aussi de choses sérieuses. Ouais, il y a des choses. C'est des vrais sujets, quoi. Voilà, c'est pas que caricatural. Bon, il y a quelques petites caricatures, mais derrière, il y a une réflexion que je trouve assez intéressante. Ensuite, je vais proposer mon coup de cœur à Etro. On voyage dans le temps, comme d'habitude. Eh bien. Encore une fois de plus, un film français qui s'appelle Hors la loi, réalisé par Robin Davis en 85. Je l'avais vu à sa sortie au ciné. Eh bien, c'est l'histoire de Roland, joué par Clovis Cornillac, tout jeune. Il devait avoir 17 ou 18 ans, avant d'être vraiment très connu. Et c'est un jeune délinquant de 16 ans qui arrive dans un centre de redressement au moment où un chahut de réfectoire dégénère en révolte générale. Donc, il y a un petit groupe qui est composé de 13 garçons et de 2 filles qui en profitent de tout ce bazar pour voler la fourgonnette du centre avec du matériel, de la bouffe à l'intérieur. Et ils décident de faire une virée le temps que ça durera. Et en chemin, les adolescents vont s'arrêter dans un village où il y a un bal populaire. Mais à la fin de la soirée, ça a plutôt tourné mal entre les jeunes et un barman qui les accuse de ne pas payer leur consommation. Ça va dégénérer. Le barman sort un fusil et tient des propos racistes envers deux des garçons qui sont d'origine maghrébine. Et paf, un coup part, un garçon est touché et le barman va être ensuite poignardé. En fait, ça finit en bagarre générale. Donc, les garçons récupèrent le fusil pour couvrir leur fuite, ils se barrent. Et puis, il y a quand même deux personnes qui se retrouvent sur le carreau. Les jeunes donc reprennent la fourgonnette, ils sont poursuivis bien sûr par les villageois, et au cours de la course-poursuite, c'est pour ça que j'ai pris aussi ce thème, parce que c'est un thème de course-poursuite, ils envoient une bouteille de gaz contre les poursuivants, bien sûr elle va exploser, et deux voitures vont flamber, faisant aussi 4 morts. Donc c'est pas la comédie romantique là. Paniqués, les fuyards vont finir dans le fossé, et vont partir à pied dans la campagne, et ils vont s'en suivre des multiples épisodes plutôt rocambolesques. Ils vont être rattrapés par les justiciers du village, des bons beaufs un peu bas du front, ou les gendarmes à un moment, mais bon, les ados ils sont pleins de ressources, ils parviennent toujours à s'en sortir et à se barrer un petit peu dans cette fuite en avant, et bien sûr de temps en temps ils vont perdre quelques-uns des leurs, qui vont même mourir, donc c'est vraiment... Ah oui, c'est... Ouais, ah mais... oui, c'est plutôt une comédie dramatique. Ils vont continuer à errer dans la campagne complètement paumée. Hein. Ça se passe dans la Lozère ou l'Arzac. C'est vraiment. Il y a des magnifiques paysages. Il y a même des instants avec des grottes. Ah bah, allez-y pour les paysages et pas pour la population. Et... Pas pour passer l'hiver. Exactement. Alors, ils ont comme but maintenant de rejoindre un village abandonné que l'un d'entre eux connaissait quand ils venaient en vacances pour s'y cacher. Ça, c'est leur but, se cacher et puis laisser les choses se tasser. Et bah, une rivalité en parallèle va se développer tout au long de la fuite entre Roland, le nouveau qui est donc joué par Clovis Cornillac, et Christian, joué par Vadek Stanzak, qui est le chef de la bande. Et bon, bah, ils vont se disputer, bien sûr, à cause d'une fille, hein, Ida, qui était au départ l'amie de Christian, mais qui va tomber amoureuse de Roland. Et de plus en plus, bah, ils vont s'encercler et bah, ils vont finir par admettre que bah, c'était une fuite en avant et qu'elle est vouée à l'échec. Donc, bah, c'est assez sympa. Un film d'action dramatique, avec des scènes bien faites, je trouve. Comme quoi, dans les années 80, on faisait des bons petits films. Oh, bah oui. C'est pas un chef-d'œuvre. Voilà, ça change de temps en temps. C'est bien de voir Clovis Cornillac, qui est maintenant devenu une vedette. Au box-office français, quand même. Avec, bah, si, quand même, hein, on l'a vu dans plein. C'est quoi les. Donne-moi un film que je pourrais avoir vu. Brice de Nice. Ah, oui. Bah, c'est son copain avec le gros orteil. D'accord, ça y est, ok. Voilà, ouais. On le voit dans. Fou, Clovis Cornillac, il avait été dans. Maillot jaune, aussi, où c'était un gars qui voulait devenir cycliste professionnel. D'accord. Et donc, bon, voilà, on l'a pu voir dans les Brigades du Tigre. Il joue un moment dans les Brigades du Tigre aussi. La version télé. Mais ouais. J'ai vu Brace the Nice. Mais t'as vu Brace the Nice, donc tu vois qui c'est. Voilà, mais bon, j'en citerai. Hein, Les Chevaliers du Ciel aussi, c'était. Okay. Si t'avais vu le remake. Oui. Voilà, donc on en citerait. Si c'est quelqu'un qui a. Et qui tourne. Bah, récemment, on a pu le voir dans le film là, qui a marché, le film d'Artus. Il joue dedans. C'est un des protagonistes qui, en compagnie d'Artus, se barre avec le pognon. Et voilà, donc voilà, il est toujours d'actualité. Ensuite, eh bien, on a ce qu'on appelle le coup de cœur news, en général, que je propose. Eh bien, c'est, si, je ne sais pas si tu avais vu, à l'époque, il y avait Benjamin Gates avec Nicolas Cage qui cherchait le trésor des Templiers, un espèce d'Indiana Jones, donc avec un archéologue. Eh bien, cette fois, bah, c'est Fabrice Luchini qui va jouer les chasseurs d'histoire dans Le Secret de Khéops. Donc, la bande-annonce promet un Luchini comme on ne l'a jamais vu, en effet, un film d'aventure avec Luchini. Et c'est quoi, c'est un remake ? Non, c'est un film original. D'accord. Et quelque part, donc, entre le Nicolas Cage et Indiana Jones, hein, c'est vraiment les références pour le premier long-métrage réalisé par la comédienne Barbara Schulz, et le film se présente comme une grande aventure qui commencera en Égypte dans la fameuse pyramide de Gizeh que Napoléon aurait soi-disant pillé lors de sa fameuse campagne en 1788. Et Julia Piaton jouera la fille de l'archéologue, fatiguée par les observations de son père, mais qui va finalement se prendre au jeu de l'aventure à ses côtés. Donc bah, j'ai eu envie de parler de ce film parce qu'un film d'aventure français. C'est... Et qui tombe plutôt bien parce que en plus Indiana Jones, je sais qu'il sort aussi en jeu vidéo. Enfin, je sais pas s'il est sorti ou il va sortir, mais on est dans le moment. Donc là, si vous aimez les films de ce type et l'univers, il y a bah, quoi faire quoi. Puis j'aimerais voir Luchini, le mec exubérant, ce que ça va donner dans un rôle un petit peu d'aventurier. Ça doit être voilà. Donc on verra. Hein. Comme dit, tous les goûts sont dans la nature. Et bien, on reparlera peut-être plus tard de ce film. Ok. Eh bien maintenant, nous allons passer aux questions sur le thème du jour avec Yann, qui va nous répondre sur les films avec les poursuites de voitures. Alors, c'est basique, hein, film de voiture, tu vois. Non, mais pour ça, j'ai mis film de voiture, voiture-camion. Ouais. Ça aurait pu être des poursuites à cheval, en carrosse. Non, là, on va essayer de se grouper. Restons groupir. Tu vois, moi aussi, je peux faire des vannes. Alors, je vais laisser là. Quel est ton film ou favori sur le thème du jour ? Alors, voilà, The Blues Brothers, qui est sorti donc en 1980, c'est pas un film qui date d'hier, donc avec en héros Jack et Elwood Blues. Voilà, qui sont des frères. En héros, on peut citer aussi toutes les grandes stars du R&B, du rhythm and blues de l'époque. Alors il y avait Aretha Franklin, il y avait John Lee Hooker qu'on voit dans la rue, Lou Marini, Ray Charles, James Brown. Voilà, ils sont tous là. Plus les fameux Blues Brothers. Plus les Blues Brothers, exactement. Ouais, tout à fait. Et puis en héros, on peut dire aussi la Dutch Monaco de 74, qui est ancienne retraitée de la police, qui va être utilisée tout au long du film et qui va avoir une vie compliquée. Hein, donc le pitch du film est simple. Alors on a droit de spoiler 40 ans plus tard. Ouais, ça va. Donc c'est Jack, l'un des frères qui sort de prison. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, là, c'est la prison de Joliet qui sera utilisée après dans la série Prison Break. Donc c'est la même prison à côté de Chicago. Donc le Jack sort de prison, Elwood, son frère, vient le chercher. Ensuite il se passe ça. Où est la Cadillac? La Cadillac, la voiture des Blues Brothers, celle qu'on avait avant, elle est où? Je l'ai échangée. T'as échangé la Cadillac contre ça? Non, contre un microphone. Bon, à la rigueur, je comprends ça, mais alors, cette caisse-là, cette termiteuse, le jour de ma sortie de prison, mon propre frère vient me chercher dans une voiture de flic. Voilà. Donc, ouais, vous avez tout compris. Ça, c'est la scène d'intro que je connais par cœur parce que je l'ai vu 25 fois. Et puis, donc, après, ils vont à l'orphelinat de leur enfance qui est en difficulté. Donc, on leur dit, voilà, l'orphelinat va fermer. Donc, ils mettent tout en œuvre pour pouvoir le réouvrir. Et là-dessus, ils ont une idée brillante. C'est de reformer le groupe, les Blues Brothers. Donc, ils vont aller chercher les anciens musicos, voilà, dans leur nouveau taf, donc avec plus ou moins de succès. Pour reformer ce groupe et proposer un concert. Et ensuite déposer l'argent à la fin pour sauver l'orphelinat. Sauf que ça se passerait bien. Voilà, sur le papier, c'est bien. Sur le papier, ça se passe bien. Sauf que Elwood, il a un petit défaut. Hein, déjà, il a un défaut de permis de conduire. Et puis, voilà, il a tendance à vouloir conduire un petit peu vite. Et au cours de leur balade, bah, ils se font aussi pas mal d'ennemis, hein, globalement. Donc, on va dire que la balade entre le Palace Hotel, là où ils jouent leur gros concert, et le Chicago, où ils doivent déposer l'argent, se change en immense course-poursuite où il y a l'armée, où il y a toute la police du pays, où il y a tous les ennemis. Et c'est pas les néo-nazis. Il y a les néo-nazis, il y a tout le monde. Son ex-fiancé. Exactement, qui lui tire dessus. Et voilà. Un groupe de musiciens dont il pique. C'est ça, oui, bah, ils vont. Ils piquent. Ils jouent à leur place, il faut le dire. Ils arrivent avant eux et hop, ils jouent. Exactement. Ils prennent le cachet, enfin si on peut dire le cachet. Ouais, ils ne seront même pas. Ils vont même pas payer les dettes qu'ils avaient. Donc voilà, je crois que. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'à l'époque c'était. La plus grande casse de voitures. Exactement. Il y a entre 30 et 60 voitures qui sont détruites dans la dernière course-poursuite. Et c'est d'ailleurs pas la seule course-poursuite du film. Hein. Tout le film est pratiquement. C'est une alternance entre course-poursuite et musique de qualité. Donc allez le voir. Et de l'humour. Et de l'humour. Et de l'humour, bien sûr. Quel est, selon toi, l'acteur qui représente le mieux le film de poursuite? Je vais dire Sami Naseri dans Taxi, parce que, en fait, on le connaît que pour ça. Et puis, le fait d'avoir la voiture, donc la Peugeot 406, V6 gonflé, d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis venu en Peugeot 406, peut-être qu'il y a de ça. Je suis monté à bord. Et tu es monté à bord, exactement. Forcément, cette voiture-là, libre dans les rues de Marseille, elle est faite pour avoir de la course-poursuite de base. C'est pas une voiture qui se retrouve là par inadvertance. Donc je trouve que ça représente plutôt bien le film de course-poursuite. Petite question, pourquoi t'as choisi cette voiture par rapport à Taxi? Non, pas par rapport à Taxi, mais peut-être que ça a eu un peu d'influence inconsciemment. Oui. Alors, quelle musique de film sur ce sport, on pourrait dire, préfères-tu? Quel film Forcément, je parlais de la grosse BO des Blues Brothers. Voilà, si j'ai par exemple un titre à choisir dedans, alors il y en aurait plein qui seraient excellents, mais je vais prendre celui d'Aretha Franklin avec Sync, qui a été réenregistré justement pour les besoins du film, et avec la scène où justement c'est Aretha qui joue le rôle aussi, hein, et qui empêche son mari de partir rejoindre le groupe les Blues Brothers. Bon, finalement, spoiler, elle n'arrêta pas son mari d'y aller, mais avec toutes les danseuses, et puis globalement, oui, il y en a d'autres scènes, hein, où il y a les danseurs dehors, etc., et tout le monde se met à danser en mode comédie musicale, et je trouve ça chouette. Et puis, si je me souviens bien, il y a un des musiciens qui aussi bosse comme cuisinier ou, oui. Hein, et donc hein. Il ne perd pas que son mari, il perd aussi c'est un de vrai, ses employés. Ouais. Oui, parce que ils arrivent au resto et du coup, ils commandent leur menu habituel, c'est-à-dire 4 poulets rôtis et un coca et des tranches de pain de mie grillé. Et donc, c'est elle qui prend la commande et puis ils vont dans la cuisine et ils en parlent au mari. Et là, tout de suite, ah, oh, Jack Elwood, les Blues Brothers, voilà, ils en reconnaissent et ils quittent tous les deux le lieu à la fin, ouais. Quel est ton personnage favori sur ce thème de film ? Alors, en fait, je ne sais pas si dans ce type de film, ce sont plus les voitures, les héroïnes ou les acteurs. Bon, si je prends sur les acteurs, je vais dire Dom Toretto, tu sais, dans The Fast and Furious. Parce que, Diesel, ouais. Alors, je les ai vus, je crois, tous sauf le dernier. Bon, c'est de moins en moins des films de voitures, d'ailleurs, mais voilà. Pourquoi lui ? Parce qu'en plus d'être bon pilote, c'est qu'il a cette notion de ces rassembleurs de famille. Et en fait, je trouve que c'est un peu l'antithèse du pilote de course qui va vouloir arriver premier sur la ligne d'arrivée. L'idée, c'est d'aller vite en famille ou entre potes. Donc, je trouve ça plutôt cool, quoi, comme ambiance. Oui, en fait, quand il a le choix entre gagner tout seul ou gagner avec sa team, il sait qu'il a besoin de sa team pour réussir. Il va se sacrifier pour le collectif. Ouais, tout à fait. Eh bien, ce que je te propose, le traditionnel quiz vu pas vu, donc des films à découvrir ou redécouvrir sur le thème. Si tu les as vus, tu peux faire un petit commentaire. Si tu les as pas vus, je te rassure, je les ai pas tous vus non plus. Ah mince, je pensais que t'allais pouvoir faire un commentaire. Mais j'en ferai aussi sur certains. Alors, le premier, alors c'est marrant parce que c'est en préparant cette émission, c'est un de mes premiers films que j'ai enregistré en VHS quand j'ai eu mon magnétoscope. Ok. Ça s'appelle Un monde fou. Ah oui. It's a Mad Mad World, en version originale, Mad Mad Mad World même, avec Spencer Tracy, un vieux acteur. Et l'histoire, rapidement, je te le pitch, c'est des gens qui sont sur la route, une bande de y a des touristes, y a des frangins, enfin, tout ça. Et il y a des bandits qui s'enfuient avec un trésor dans la bagnole. Ils ont un accident. Et il y en a un qui pique le trésor. Et après, tous les autres, ils veulent rattraper le trésor. Ouais. Et t'as une course-poursuite, un petit peu les fous du volant, tu vois, ce genre de truc. Mm-hmm. Et jusqu'à la fin, c'est une course pour arriver le premier, pour trouver où le trésor a été enterré. Parce qu'en fait, le mec meurt et il dit « Ah, le trésor est sous le... » voilà. Comme par hasard. Et c'est une course-poursuite pour arriver le premier. Donc, en voiture, certains ils sont obligés de prendre l'avion, ils se font des vacheries entre eux, ils disent non, ça m'intéresse pas. En fait, ils se partent tous les uns en loose day, ouais. Et en fait, le but du jeu, c'est d'arriver. Comme quoi, le fric, hein, c'est vraiment. Donc, je te le conseille, celui-là, tu rigoles bien, c'est ancien, mais c'est marrant. Quelle année ça Ça, c'est vraiment le 64. Hein. Ah oui, 64. Bonne ouais. année. Je te demande pourquoi il dit ça. Je sais pas, spécialement aujourd'hui, hein. Ça tombe bien. Oui, c'est vrai, c'est ton anniversaire. Bah ouais, ça tombe. Oh, je suis désolé. 7 février, donc c'est pour ça que je rigole parce que le film est aussi vieux que moi. Bah, bon anniversaire, Alain. Merci. Voilà. Ensuite, eh bien, je te propose en 65 un film que tu as peut-être vu, qui passe régulièrement à la télé, La Grande Course Autour du Monde de 65, de Black Edwards. Black Edwards, c'est Monsieur Panthère Rose. Et on retrouvait Tony Curtis et Peter Falk, alias Columbo. Alors, je parlais des fous du volant et compagnie. Bah, c'est une course poursuite de voitures pour arriver autour du monde. Le premier, il y a le grand Leslie, qui est joué par Tony Curtis, donc le séducteur et compagnie. Mmh. Et puis, en face, il y a l'espèce de Satanas, le professeur, qui, lui, pense qu'à faire des vacheries à Leslie, lui saboter ses bagnoles. Donc, c'est La Grande Course Autour du Monde. Film que j'ai vu, j'ai un souvenir de l'avoir vu au cinéma pour le Noël, au cinéma des écoles, à Mont-Louis. Alors, c'est dans la vieille salle et tout. Mais ce film était tellement poignant que j'avais raté mon bus pour rentrer chez moi. J'avais 2 kilomètres à faire à pied. Mais plutôt que de prendre le bus, je voulais regarder la fin du film, déjà mon amour du cinéma, et j'étais rentré, je m'étais fait engueuler après, mais je m'en fous, j'avais vu la fin du film. Et ben moi je ne l'ai pas vu ce film là et tu parlais de télévision, je n'ai plus de télé à la maison depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, je crois. Tu le trouveras sur internet. Oui. Ensuite, eh bien, le film dont on a écouté la musique tout à l'heure et qui est une référence du film de poursuite, le 68, Bullitt, avec Steve McQueen. J'ai vu la bande-annonce. Voilà, ça compte ça ou pas? Ouais. Non mais absolument à voir pour toi qui es fan de Ouais, de mais Daniel. On m'en a parlé de ce film-là, ouais. C'est vraiment, ouais, le... Puis bah, faut savoir que Steve McQueen était un fan d'automobile, oui. Qu'il a fait les 24 heures du Mans. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est connu ce film-là, ouais. Enfin, on voit des extraits régulièrement de choses qui passent. Et ouais. D'ailleurs, petit clin d'œil à JP, notre ancien collègue de la radio, qui avait fait un spécial Steve McQueen, et qui avait été un petit peu son, pas son copilote, mais il était commissaire de course au Mans, et lors du tournage du film Le Mans avec Steve McQueen, c'est lui qui guidait Steve McQueen sur les différents lieux du Mans. Okay. Et donc, on avait eu des anecdotes, donc un petit clin d'œil à notre ami JP. Ensuite, eh bien, Duel de 71 de Steven Spielberg. Mm-hmm. Non. Le premier film de Steven Spielberg, qui à l'origine était un téléfilm, mais ça a tellement bien marché. Donc c'est un pauvre automobiliste qui se poursuivit par un camion. Okay. On ne voit jamais qui est dans le camion. Même pas à la fin, dans le dénouement du film, non? On le voit jamais. Et c'est terrible, c'est terrible. Et déjà, on voyait que Spielberg, ça c'était bien avant Les Dents de la Mer, on voyait déjà que ce mec-là, ça allait être un génie du ciné. Ouais. Ensuite, Point Limite Zéro, un film de 71. Pareil, un mec qui doit décider, enfin, tous les polices du comté au cul, et ils sont décidés à l'abattre. C'est un rebelle, quoi. J'ai entendu parler de ce film-là. Je l'ai vu quand j'étais à l'armée, donc tu vois, ça remonte, mais j'ai un souvenir de ce film. J'avais bien aimé, quoi. C'est un peu le gars, et en plus, la radio, un petit peu comme dans Les Guerriers. C'est celui-là où il y a la... Non, c'est pas ce film-là, où il est guidé par la radio tout au long du film. Non, c'est après, t'en as un autre. Ouais. Celui-là, c'est un peu comme ça. Ouais. Mais on va en parler après, bientôt, de celui dont tu parles. Ensuite, on a eu French Connection, avec Gene Hackman. Alors là, c'est un film policier sur la French Connection, souvent la drogue à Marseille, et il y a des bonnes poursuites de voitures dedans. Okay. Donc c'est plutôt un polar, mais pareil, on voit des belles scènes de poursuites dedans. Ensuite, Macadam à deux voies en 71, pareil, donc des courses poursuites de voitures. Celui-là, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le commenter de trop. Ensuite, alors je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là s'appelle « Cours après moi, shérif » en 77, suivi de « Tu fais pas le poids, shérif »,« Bandit 2 » et en 80, et on a droit à « Smoking and the Bandit » en part 3 en 83 avec Burt Reynolds. Bah, c'est des contrebandiers d'alcool et compagnie. Ils sont engagés pour aller d'un endroit A à un endroit B. Okay. C'est quoi, c'est de la drogue, non? Non, de l'alcool. Ah, oui, l'alcool, ouais. Voilà, ouais. C'est des trucs pas très... Et en fait, lui, il est là un petit peu pour leurrer les policiers pour que les camions passent derrière avec la marchandise. Ok. Et donc lui un petit peu, c'est le renard qui est chargé d'attirer les flics. Avec Burt Reynolds, qui était à l'époque la grosse star qu'il est. Et bah, sympa. Et ça a inspiré la série Shérif, fais-moi peur. Ok. Voilà. Ouais. Donc, c'est le bandit. Et... Ensuite, j'ai eu l'occasion d'en voir deux sur les trois. Donc, c'est un bon film de détente. Ensuite, on a Larry le Dingue, Marie Lagarce, un petit peu un road movie, un petit peu à la Bonnie and Clyde. Ok. En 74. On retrouve Sugarland Express, un autre film de Spielberg, en 74. Pareil, un couple un petit peu à la Bonnie and Clyde qui se fait courser par toutes les polices aux États-Unis et ça se finit plus ou moins bien. Ensuite, plutôt moins que plus, j'ai l'impression. Ensuite, La Grande Casse de 74. Bon, bah, comme son nom l'indique, tu parlais de casser les voitures, comme dans les Blues Brothers, bah là, dans La Grande Casse, c'est le cas. Ensuite, alors un film que j'avais eu l'occasion de voir, ça s'appelle La course à la mort de l'an 2000, je l'avais eu en VHS, un film de 75. La particularité, bon, c'est une course poursuite de bagnole, tous les coups sont permis, les mecs se tuent. Pourquoi de l'an 2000? Parce qu'à l'époque, c'est un film de 75. Oui, donc c'était un truc. Voilà, c'est comment on imaginait. Futuriste. On imaginait comment serait l'an 2000. Oui, hein, comme il y a beaucoup de films, heureusement, tout n'est pas. Vrai, comme ça s'est passé. Et la particularité, c'est qu'on avait David Carradine, qu'on avait vu dans la série Kung Fu, et puis un certain Sylvester Stallone, qui n'était pas si connu à l'époque. Ensuite, Driver en 78. Le film dont tu parlais, je pense que c'est celui-là, Le Convoi en 78 de Chris Christopher Froome, où des camionneurs bravent la police et au départ, il y en a un qui casse la gueule un shérif un peu trop zélé. Et en fait, les mecs, ils décident, tous les camionneurs, de se rassembler, de faire un convoi, le fameux Le Convoi. Je sais pas si c'est ça. Pour moi, c'était avec un animateur radio, justement. L'animateur radio, attention, ça, les bandits. Okay. Non, puis il y a aussi Les Guerriers de la Nuit, mais qui est différent. Et là, c'est la radio, mais il n'y a pas une poursuite. C'est une poursuite. Non, c'est avec une poursuite. Ouais. Voilà. Donc ça, ce film-là. Ouais. Le Convoi avec un Chris Christopherson qui est excellent. Des cascades, des camions pétés, une scène finale, justement, de cascade qui est terrible. Les mecs qui pètent une ville avec les camions. Enfin, c'est... Ok. Je pense que voilà. Bon, après on arrive à un classique, Mad Max. Oui. Après on a Mad Max 2, Le Défi, Mad Max Fury Road et le dernier, Furiosa. J'ai pas mis le Mad Max, disons le 3, avec Tina Turner, parce que là il n'y a pas tellement de, à part la poursuite en train là qu'on voit à un moment, mais les autres c'est quand même des poursuites de bagnole. Et puis toi qui apprécies les moteurs et compagnie, dans Mad Max, non mais faut que je le vois. C'est pareil, Mad Max j'en ai beaucoup entendu parler mais je l'ai pas vu, j'en ai vu aucun. Ah, toi qui aimes les mécaniques, les belles bagnoles et tout. Ouais, faut que je me le mette sur mon planning de 2028. Ah là, t'as des poursuites de bagnole et de la casse, là ça en mange. Ensuite, les Blues Brothers qui arrivent. Hein, vu. En 1980, avec Dan Aykroyd et Jim Belushi dans les rôles principaux. Puis tu les as tous cités tout à l'heure, du monde. Une autre flopée de films, c'est L'Équipée du Cannonball. Donc en 81, ensuite on a le Cannonball 2 en 84 et le Cannonball 3 en 89. Entre autres, dans les films, on trouvera des gens qu'on va connaître au ciné, comme Roger Moore, Jackie Chan, Farrah Fawcett, je crois, Lee Major. Enfin, il y a plein de guest stars. Et c'est la fameuse Cannonball. T'as peut-être entendu parler de cette course où il y a que des grosses bagnoles, des Lamborghini. Et le but du jeu, c'est de traverser les États-Unis sans se faire gauler. En France aussi, ils la font de temps en temps. En fait, en général, c'est des gens qui ont du pognon derrière parce que ils respectent pas la. C'est d'arriver le plus vite possible à un endroit, quoi. D'accord, ok. Avec des gros véhicules, bien. Donc là, il y a non seulement il y a des. Ils font ça sur route ouverte, en fait. Ouais. Donc c'est des fous furieux. Et la Cannonball est au départ tirée d'un fait réel, mais bon. Par contre, c'est des mecs qui avaient du pognon, donc derrière ils s'en foutent un petit peu parce qu'ils se font suspendre. Tu te fais piquer ta Lamborghini, tu vas t'acheter une Lamborghini. Déjà, t'en as deux autres dans le garage. Voilà. Oui. Et c'est bon, c'est surtout la course poursuite avec des gags, bien sûr, à l'américaine. Voilà. Et puis pour terminer cette partie des années. Avant les années 2000, j'ai mis Hitcher avec Roger Howard. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Une course poursuite entre des petits gentils américains qui convoient une voiture et puis qui vont se retrouver poursuivis par un serial killer dans un camion. Auquel ils ont eu le malheur à un moment de faire un doigt en le doublant ou un truc comme ça, et l'autre c'est un taré. Ouais. Et du coup, le film prend une tournure un peu dramatique. Le film qui m'a choqué, il y a une scène, on le voit pas. C'est les scènes les pires, comme dans American History X, des choses que tu vois pas, mais que tu as l'impression de voir le truc. Donc, Roger Howard, excellent serial killer. Donc, si vous aimez les poursuites un peu glauques, il y a Hitcher. Okay. Il y a eu un remake qui a été fait un peu plus tard, mais moins bon. Ok. Eh bien, ce que je te propose, c'est une bande originale. Bon, on reste en Mad Max Fury Road, The Chase, donc la chasse. Donc, avec vraiment cette ambiance. Je n'ai pas mis les Blues Brothers parce que ça aurait été classique. On a tellement parlé en plus. Voilà. Eh bien, c'est parti pour un petit tour de musique. Eh bien, après cette balade avec Mad Max, je vous propose de continuer avec Yann notre spécial quiz vu pas vu sur les films de poursuite au cinéma. Et là, j'ai eu peur parce que je pensais qu'à un moment donné, t'allais dire notre spécialiste. Oh là là, pas du tout, j'en ai vu aucun. Et puis là, on va passer maintenant le cap des années 2000. Ouais. Là, jusqu'à présent, on a cité les films assez anciens, ancien, on peut dire. Hein. Mais bon, comme moi, hein, je suis ancien, donc... Je commence aussi. Hein. Hein, ah oui, toi, c'est vrai qu'aussi, t'es pas comme nos jeunes services civiques. Hein, nous, on a passé l'âge des services civiques. Eh bien, Thelma et Louise, en 91, avec Suzanne Sarandon, entre autres. Tu l'as vu ou... Non. Un film à voir, donc okay. Un road trip où deux femmes décident de partir en bagnole et puis c'est parti mon kiki, et puis avec une fin, je te la dévoile pas si tu l'as pas vu, okay. Mais c'est un des classiques, un des films de Scott qui était vraiment, à l'époque, il n'était pas si connu que ça, et ça reste un très bon film. Ensuite, peut-être l'as-tu vu, Speed, avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Eh bien, c'est Sandra Bullock et Keanu Reeves qui se retrouvent dans un bus qui est bloqué et qui peut exploser si... Ils descendent en dessous d'une certaine limite de vitesse. Ah si, ça me dit quelque chose. Ah ouais, si. Il me semble être tombé dessus, mais tu vois, par hasard, un jour, à la télé, il y a très longtemps. Mais oui, ça, le pitch me dit quelque chose. Le pitch dit... Donc, un film qui a révélé Sandra Bullock, et puis, Keanu Reeves, on sait la star que c'est devenu, et puis même Sandra Bullock. Et donc, c'est un bon film de suspense. Dans le même genre que j'ai vu cette semaine, c'est Rétribution, avec Liam Neeson, c'est pareil, alors là c'est pas un bus, c'est un père de famille qui a magouillé au niveau financier et puis qui se retrouve face à un revanchard, et il se retrouve pied au plancher tout le temps parce que sous son siège il a une bombe. Et et on le manipule derrière, et il a ses deux enfants avec lui, et on lui dit si tu te lèves, si tu bouges, si tu téléphones à la police, j'ai le déclencheur pour la bombe, et on te fait péter. Et il dit, regarde, et autour, il lui montre qu'il peut faire péter d'autres voitures et d'autres personnes. Ok. Donc, bien flippant, on s'imagine à la place de ce garçon. Ensuite, eh bien, on arrive... alors là, je sais que tu l'as vu, puisqu'on en a parlé. Ah, on en a parlé, bon. La saga des taxis. Oui. Alors, on a le 1, le 2, le 3, le 4. Ah ouais. Tout ça avec Samir Nasri et Marion Cotillard dans les rôles principaux. Oui. Plus... Alors, le 4, je crois qu'elle n'est pas présente, il me semble. Marion Cotillard n'est plus dans les 4, en effet. Non, dans les 3 premiers. Et puis le dernier, voilà. Hein. On passe dessus, hein, même pas de caméo avec Samir Nasri, qu'on sera attendu à voir au moins. Non, il n'y a rien. Et même pas la 406, donc rien. Oui, 407, oui. Qui a... Non, et puis voilà, moi, c'était marrant les premiers, puis après, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, vraiment, alors moi, je me rappelle du 1 parce que je l'ai vu en cours de français quand j'étais en 6e, les profs de français à la fin de l'année, hein, évidemment, mais voilà, il nous a passé taxi. Bon, le Taxi 2 au cinéma, le Taxi 3, je crois que je l'ai en DVD. Après, ouais, j'ai vu le 4, mais déjà à partir du 3, ça commence à décliner. Le 4 était beaucoup moins bon, et pourtant, c'était les acteurs originaux. Et puis le 5, j'en ai vu une partie que je me suis forcé à voir sur Netflix, et j'ai arrêté en cours de route. Je me suis dit, faut arrêter de se faire du mal. Hein. Non, moi, je regarde, je suis un sadique. Moi, j'aime bien jusqu'au bout, mais bon, j'étais déçu. Ouais. Bon, j'attendais pas grand chose. Être déçu, c'est quand t'attends quelque chose. C'est vrai. Pour moi, bon, voilà. Et puis moi, ce que j'aimais bien dans les taxis, c'était les seconds rôles. Oui. Avec le commandant, là, je me rappelle plus. Commissaire Gilbert. Commissaire Gilbert, alors lui, l'Allemande, la... Oui, Petra. Petra, et voilà, tous ces personnages autour, moi j'adorais, les incompétents notoires. Ah bah, toujours. Mais tu vois... Le beau-père général, enfin tout. Ce qui était bien dosé, je trouve, dans le premier, dans le deuxième, l'était un peu moins... Après, où tous les curseurs étaient au max, et du coup, ça devenait un peu lourd. Quoi. Bah, comme tous ces sagas, on va parler après d'autres sagas, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Voilà, y a le sujet au départ est original, c'est pas mal, c'est pas bien fait, et puis bon, là, Besson a voulu faire du fric, quoi, c'est clair. Ouais, clairement. En 98, Ronin de John Frankenheimer avec Jean Reno. Alors, des poursuites automobiles dans Paris, un film, un polar, je sais pas si j'ai tu l'as vu la course-poursuite. Voilà, il y a bien. Qui dure pas mal de temps, je me rappelle plus les voitures. C'est pour ça que je l'ai mis dedans parce qu'elle est conséquente. Parce qu'il y a plein de films que je n'ai pas cités où il y a des poursuites de voitures, mais qui sont plus ou moins grandes. Mm-hmm. Ensuite, 60 secondes chrono avec Nicolas Cage en 2000 sur les vols de bagnole. Et justement, il y a des bonnes poursuites. Des bonnes... Et donc, le but du jeu, c'est quand même de ramener les bagnoles en état, parce qu'après, en fait, ils font un trafic de bagnoles, ils les maquillent. Et bon, ils prennent pas les deux chevaux. Hein, ils prennent... Bien que maintenant, une deux chevaux, c'est collector. Ah bah oui, Mais voilà, ils prennent, allez, maintenant, on pourrait dire une Twingo. Et puis voilà. Non, non, là, c'est que de la belle bagnole. Et ils les revendent après. C'est assez sympa. Et puis, bon, maintenant, on arrive à la saga top hein, des dernières années, des années 2000. Ben, c'est la saga Fast and Furious. Mm-hmm. On en est au 10e, je crois. Oh, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Ou voire même plus, j'en sais rien. Ouais, plus mais... avec les séquelles, les reboots. Ouais. Les... Ouais, ouais. Bon, il y avait, par exemple, Tokyo Drift qui était un petit peu différent. On n'avait pas que les j'avais héros, moins d'ailleurs. Aimé, moi, effectivement, Tokyo Drift. Il y a une scission en fait, entre le premier et deuxième, ça marche ensemble. Scission avec le troisième. Et puis après, à partir du quatrième jusqu'au. Jusqu'au 8-9e, c'est voilà, on est dans le même mood, quoi. Voilà. Bon, c'est vrai que je pense le fait que Paul Walker soit décédé, oui. ça a enlevé un petit peu aussi à la. Ouais, je trouve. Et puis le budget, en fait, je pense même plus philosophiquement, mais c'est vrai que les premiers c'était un film à moyen budget. Et ah bah c'est la surenchère Après, c'était la surenchère et c'était tellement des blockbusters que du coup, le côté, moi, ce que j'aime bien, le côté automobile, en fait, il s'est perdu avec le temps. Et aujourd'hui, bon, bah voilà. Il y a des voitures qui débarquent de la Lune et qui foncent dans des immeubles. On se dit, bon, ok, il y a de l'automobile, mais. Voilà, c'est du grand guignol, quoi. Comme ouais, c'est ça. Et puis, bon, à l'arrivée de Dwayne Johnson, Jason Statham, enfin, ouais. Ils ont testé des choses après. C'est vrai les 4, 5, 6, 7, il y a des bonnes choses. Je trouve que, voilà, je ne les trouve pas mauvais, mais bon, on perdait un petit peu de la philosophie et de l'amour de la bagnole, quoi. Tout à fait. Ensuite, bien une autre saga, la saga des transporteurs. Oui, j'ai vu, oui. Avec Jason Statham, ouais, voilà. Son Audi A8, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, puis donc, cette histoire de coursier, on peut dire, un coursier moderne. Mm. En fait, il transporte des choses dans son coffre, mais normalement, il n'a pas le droit de savoir ce qu'il transporte. Oui. Donc, c'est assez sympathique de voir. Bon, bah, pareil, hein, ça se perd. Il y a même le dernier, c'est l'héritage. Donc, il est horrible. Là, je suis désolé, hein, mais. Mais il faut dire ce qu'on pense. Ah là là, hein. Je l'ai vu. Je l'ai vu et j'avais pas mal apprécié le premier. L'idée était originale. Mais oui, c'était sympa. Mais alors, le dernier. L'héritage, il y a des héritages qu'on refuse. Hein. Ah ouais, Là, malheureusement, oui, ils n'ont pas eu le droit de le refuser, mais ouais, non, c'est clairement mauvais. Hein. Alors ensuite, je t'ai cité un des films dont je parlais tout à l'heure, quand on a parlé de technique au début, Boulevard de la Mort, en 2007, de Rodriguez et Tarantino, avec Kurt Russell. Alors pareil, une course-poursuite avec un espèce de... C'est des filles qui, donc, avec des bagnoles et tout ça, et elles sont poursuivies par un espèce d'obsédé, de taré, okay. Qui veut essayer de les sortir de la route et tout, et manque de peau, il est tombé sur des filles, c'est okay, bien, bien fralé aussi, qui savent conduire et tirer un petit peu, un petit peu ce qu'aime Tarantino Rodriguez, un petit peu cette ambiance des films des années 70 avec peu de budget et donc c'est un peu ça, okay. Avec plein de guest stars, des gens qu'on a vus dans des films anciens ou modernes et donc je l'ai revu récemment, c'est sympa, ce petit film sympa. Et après, il y a La Course à la Mort, okay. Avec Jason Statham en 2008. Et il y en a eu plusieurs, c'est Death Race. Ouais. Et ça se passe, c'est des courses-poursuites en prison, dans le futur. Et donc, les prisonniers sont condamnés, entre guillemets, à faire des courses à la mort. Mm. Et c'est retransmis à la télé. Donc on leur fait croire que derrière, sinon on va tuer leur fille ou qu'ils vont être libérés ou voilà, c'est une course chantage. Hein. Mm. Et bon, là, c'est vraiment des courses de bagnoles avec des bagnoles gonflées. Ça dégage. Les mecs finissent au lance-flammes ou les bagnoles explosent. Ouais. Film d'action. Voilà. T'as pas celui dans les années 2000. Alors j'ai plus le titre. Hein, c'est un film allemand. Qui se passe, c'est des courses de rue, hein, aussi un peu dans le même mood que Fast and Furious, sauf qu'ils sont avec des voitures. Je sais qu'il y en a un qui a une Smart, l'autre qui a une voiture pourrie parce qu'il infiltre, c'est un policier qui infiltre. Oui, je l'ai vu ça, c'est un film allemand. Je l'ai pas cité parce que ça m'a fait penser à un sous. Ouais, mais c'est vrai que j'ai eu plaisir à le voir quoi, à l'époque. Je l'ai vu à la télé, je vois celui que tu veux dire. Ensuite, Doomsday, en 2008 avec Donald Sutherland. Bah, c'est en fait un film là de plus de science-fiction. C'est une fille qui est chargée d'aller récupérer un antidote. Donc, le nord de l'Angleterre est devenu abandonné à des, suite à des virus. Ça a détruit la plupart de la population. Donc, il y a une partie avec une espèce de mur de séparation où les gens ont pu survivre, les riches, okay, avec les antidotes. Et le président, ils envoient une fille, une espèce d'agent spécial, en bagnole, pour aller chercher de l'autre côté un antidote. Et l'antidote, c'est Donald Sutherland, qui a recréé une société médiévale. Mmh. Et au milieu, eh bien, il y a des espèces de punk cannibales, des trucs. Et donc, elle est chargée d'aller tracer avec sa bagnole tous ces territoires pour aller chercher l'antidote et le ramener. Ok. Donc, moitié entre Mad Max et, ouais, et l'univers. Donc, c'est, j'avais bien aimé, j'ai été surpris parce que j'attendais pas spécialement le truc. Et donc, un film bien rythmé et tout. Donc, Doomsday. Ensuite, Drive en 2011. Donc, avec. C'est quoi le pitch de Drive ? C'est un gars qui est payé pour être le chauffeur pour les braquages. Non, moi, j'ai vu Baby Driver. Baby Driver. C'est après, ça. Hein. Oui. Ouais. Okay, ça, j'allais le citer après, en 2017. Ouais. Même genre de... c'est le genre de film comme ça. C'est le même type, ouais. Et tu as aussi Need for Speed. Oui. Tiré du jeu, d'un jeu... Oui, les jeux vidéo, voilà. Need for Speed, en, ouais. En 2014, voilà. Bon, moi, j'ai cité... Okay. Il est bon, ce film, Need for Speed ? Parce que j'ai vu... Enfin, j'ai vu qu'il était sorti, mais tu sais, en ce moment, il y a Gran Turismo aussi qui est sorti. Moi, Need for Speed, pour moi, ça me parle réellement dans l'univers des jeux vidéo. Tu vois, j'ai commencé un des premiers jeux, Need for Speed 2, etc., dans les années 90. Et du coup, bon, il y en a eu des bons et des moins bons en jeux vidéo, mais bon, voir un film tiré d'un jeu vidéo... c'est qui tout double, quoi. C'est un peu comme un jeu vidéo tiré d'un film. Le problème, et c'est souvent c'est ça, c'est qu'il y a eu de grosses déceptions, ouais, pour tout ce qui a été tourné. C'est que il y a toujours les puristes qui vont trouver que c'est pas assez bon. Les moyens en général, on n'a pas des super budgets. On a vu des... Parce qu'il faut payer la licence, déjà. Il y a la licence à payer. Après, l'adaptation, ça c'est pas forcément... On l'a vu avec Resident Evil, c'est plus ou moins bon. Ouais. Tomb Raider était pas mal. C'est très dur de faire quelque chose. Alors, faut mettre vraiment le paquet. D'ailleurs, à ce propos, tu vois, on parlait de la série Taxi, le jeu vidéo, surtout oublier le jeu vidéo Taxi 2, Taxi 3, surtout pas. Hein, il est vraiment très, très, très mauvais. Eh bien, on a fait à peu près le tour, je pense, des films. On t'a vu que t'en as encore à rattraper. Ah oui, je n'avais aucun doute là-dessus. Hein. Mais bon, c'est intéressant. Je te dis que je suis sûr qu'aussi, il y a pas mal d'auditeurs qui ont découvert des films, mm-hmm, ou redécouvert. C'est ce que je dis toujours. On a ça dans une petite partie de notre cerveau, puis on reparle de trucs. Ah, on retrouve ça comme une Madeleine de Proust. Ouais, tu vois, il y a un ou deux pitchs là qui m'ont parlé, mais sans forcément avoir le nom du film en tête. Et puis des fois des souvenirs un peu lointains. Hein. Eh bien, mon petit cadeau, ça sera te donner la liste et puis comme ça, tu seras souvenir de cette émission et puis tu pourras voir les films. Eh bien, maintenant, on va passer aux sorties cinéma et aux avant-premières qu'on peut avoir dans la région Tourangelle. Alors, pour les fans de super-héros, il y a Captain America Brave New World et ça sera du mercredi 12 février au mardi 10 février au CGR Centre. Donc, si vous êtes fan de tous les super-héros, vous pouvez aller. En plus, c'est en version originale sous-titrée français parce que c'est souvent ce que fait Mehdi au CGR Centre. Donc, si vous êtes fan, il y a ça. Et puis, alors, première année qu'il y a ça à Tours, un Korean Tour Festival sur l'univers coréen en général. Et à l'occasion, les CGR Centres organisent un cycle coréen avec les films suivants. Et alors, Sympathy for Mr. Vengeance, ça sera le dimanche 16 février à 17h20. Old Boy, le dimanche 16 février à 19h40. On a Lady Vengeance, dimanche 16 février à 22h. Lundi 17, on a le film de zombies, Dernier train pour Busan. Donc, ça sera donc le lundi 17 février à 19h40. Ensuite, là, on part plus vers le fantastique, The Host, mardi 18 février à 19h40. Donc, ça, The Host, c'est plutôt un film de monstre. Ouais. Ensuite, toute autre chose, ça tourne à Séoul, comme Web, donc plutôt polar. Ça sera ça le jeudi 20 à 19h30. Ensuite, The Stranger, le mercredi 19 à 20h. Et puis, le film qui avait un petit peu fait bouger Cannes, ça fait du bien de temps en temps, bah, Parasite, en version noir et blanc par contre, et le vendredi 21 février à 19h30. Donc un excellent film, si vous ne l'avez pas vu, si vous aimez les drames thrillers, parce que ça part en comédie dramatique et ça termine... termine mal. Voilà, mais bon, ça avait obtenu la Palme à Cannes et ça fait plaisir pour... Une fois, on avait un film qui était... qui sortait un petit peu de l'ordinaire, disons. Tu parlais des monstres tout à l'heure, tu sais, tout cet univers avec qui peut se retrouver dans plusieurs films. Hein. Et je me rappelle pour l'anecdote, il y a quelques années, avec mon cousin qui montre un peu, tu sais, le principe du jeu de rôle. J'avais jamais vraiment joué à un jeu de rôle et tout. Et c'est souvent, les jeux de rôle sont souvent dans des univers comme ça. Et il me dit, voilà, tu vois, là, par exemple, t'as le monstre, c'est un orque, etc. Qu'est-ce que Willy, il fout là, tu vois? Non, ça n'a rien à voir, les orques, dans ce domaine-là. Donc, ouais, je sais qu'il y a... Enfin, on retrouve des codes comme ça, communs, dans des univers, même dans une de tes précédentes émissions. On l'avait fait, d'ailleurs, un spécial Heroic Fantasy. Ouais. Et tu parles, tu sais, des mondes, avec, etc., et que tu vas retrouver dans plusieurs univers, plusieurs films. Mais c'est vrai que quand t'es en dehors de ça, tu vas voir... Justement, un des avantages de Cinéphage, c'est qu'on comme on mange de tout et on voit de tout, ça permet d'avoir une première approche. C'est ce que j'essaye de faire modestement, c'est de présenter toutes sortes de cinémas qui peuvent exister. Après, comme on dit, moi je mange de tout, mais Sais que t'as un régime alimentaire de sérivore, toi. Voilà, de sérivore, cinéphage et tout. Et voilà, j'aime bien présenter aux gens, et puis après on fait son menu. Bien sûr. Le self-service, hein, c'est mon un petit peu ma marque, et pourquoi j'ai fait cette émission, pour montrer que on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous plaît, et même dans des choses, des fois, on dirait « Oh, j'aime peu ou pas », c'est pour ça que je dis toujours la question « j'aime peu ou pas », c'est parce que même là, des fois, on va dire « Oh, j'aime pas les comédies musicales », et puis « Ah, disons, ça, c'était bien ». Donc, voilà, on juge sur pied. C'est vrai, c'est comme la musique, hein, ou d'autres domaines, ouais. Ensuite, eh bien, on a encore des choses à Tours parce que ça bouge. Eh bien, c'est au Cinéma Studio. On a plein de choses. On va avoir en September and July, le jeudi 20 février, une rencontre ensuite avec Ariane Labed après la production de 19h45. Hein, c'est la réalisatrice du film. Ensuite, Une guitare à la mer. Ça, c'est le mercredi 19 février à la séance de 10h. Donc, un film d'animation où vous pourrez rencontrer et échanger avec le réalisateur Pierre-Luc Grandjean. Et ça, c'est un film en partenariat avec l'Association des cinémas du Centre. Ensuite, on a Dans la cuisine des Nguyen, une avant-première. Ça sera le 26 février à 19h45, avec rencontre avec le réalisateur Stéphane Lee Kwang. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses éclectiques à voir en Touraine. On a la chance d'avoir donc les studios et les CGR Tours qui sont vraiment... ils nous présentent toujours plein de choses, avec des possibilités de rencontrer des réalisateurs, des acteurs. Et puis, comme souvent, on est invité, ça vous permet, vous, les auditeurs, d'être un petit peu en avant-première, des fois même sur Paris, de savoir ce qui va sortir, ou d'avoir des... Non, c'est des grandes structures. Et puis, je pense, si vous nous écoutez plutôt du côté de Blois, c'est pareil. À Blois, il y a une grosse structure aussi. Donc, on a cette chance-là. On n'est pas sur le plateau du Larzac. Voilà, on a de la chance. Tours est une... la Touraine, en général, est une ville avec du ciné. Et puis, si vous voulez retrouver les horaires et les films, vous avez juste à aller sur les sites de nos partenaires, les CGR Centre et de Lyon de Tours et les Cinémas Studios. Et puis, n'hésitez pas à fouiller sur ces sites et vous trouverez sûrement aussi Chaussures à votre pied, hein, avec un film qui vous plaira. Et comme on disait tout à l'heure, des films même qui repassent, hein, y a des soirées cultes ou des choses comme ça. Nous voici enfin arrivés à la fin de ce cinéphage. N'hésitez pas à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de ce cinéphage. Ouais, c'est très sympa, c'est une très bonne expérience. Merci Alain. Un grand merci à toi, notre invité Yann. C'était un plaisir de découvrir, parce qu'on se connaît depuis un certain moment, mais je connaissais pas forcément tous tes goûts cinématographiques. Ah t'as pas été déçu. Non. Et nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes avec un prochain cinéphage dans 15 jours, mais aussi en alternance l'émission Cérivore, que j'anime avec les différents collègues de Radioactive qui sont là. Alors, des fois, c'est Lilian, des fois, c'est Vincent, on a eu Maxine. Enfin, bref, on essaye toujours de vous présenter dans la même veine que Cinéphage des séries anciennes ou nouvelles pour vous donner envie de les découvrir ou redécouvrir. Et en attendant, bien sûr, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye. Salut, salut.